Le livre des mères et des enfants, tome 1. Contes et fables de Marceline Desbordes-Valmore, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commons.org.